on voit. Sur un terrain hostile où le plus fort d'entre nous fait la loi. Droite au but, pas de coup bas. J'parle franc avant que le coup bas. Compte faire un four dans le hood, devenir le nouveau Willy Wonka. J'suis de la mauvaise graine, celle qui pousse sans engrais. Auteur de mes propres actes, le bien, le mal, j'ai tout fait. Acteur de ma vie, si j'me rate, pour moi c'est la muerte. Spectateur de ton échec, Spar Gang va tout rafler. C'est pas en te noyant dans l'alcool, tu vas faire couler tes soucis. Affronte le danger de face et fais pas ta baltringue ici. L'oseille règle des problèmes et pousse des personnes au suicide. Perdre le nord comme un défenestré, non je veux pas finir ainsi. Moi je veux brasser le reste, c'est le cadet de mes soucis. Rapport de violence, d'insolence, un mélange dans mes récits. Moi je veux brasser le reste, c'est le cadet de mes soucis. G.A. Sparta Gang, selon la prophétie. Du mal à croire que c'est plus dans le rap tous. Rap tous. Calmez des cibles dans gang dans leur bouche. Leur bouche. C'est par le sang qu'on règne, 47 tas dans la main. Si je dois passer par la haine. Du mal à croire que c'est plus dans le rap tous. Rap tous. C'est Didi Ace qui arrive dans le jeu. Attends, je m'apprête à faire du sale pour leur montrer qu'ils ne sont pas dangereux quand je suis en feu. Y'a rien qui m'arrête, je lâche mon flow, ils s'allaitent dans le game, je suis un requin, eux au mieux sont des s'arrête. Millionnaire en vue, en attendant de l'être en dollars. À ces connards qu'on pas cru, du haut de ma tour, je cracherai des molars. Diront qu'ils m'ont soutenu, mais j'avalerai pas tous leurs bobas. Car de mon point de vue, ces gens méritent des cocards. Tout plié, c'est ça l'idée. Smart gang, mes alliés, devant la tête, tu t'écrases. On vient de faire saliver ou paniquer. Tout dépend si t'es avec ou contre nous. Soit tu brandis le drapeau ennemi, soit comme Jorah, tu ploies le genou. Je fais du sale, mais les paroles sont sensées. Mate l'ascension, je suis comme Ascensio. Il est bien trop tard pour se mettre à m'encenser. Je brûle les sessions et ne compte pas cesser. On tous la pression derrière leur PC. Je provoque des lésions, la concu est lésée. Ils vaudront tous de moi comme la femme de Ressé. En fait, du ring, on vous a mis la fessée. D-Ace. Du mal à croire que c'est plus dans le rap tous. Rap tous. Non. Calmez des cibles dans gang dans leur bouche. Leur bouche. Non. C'est par le sang qu'on règne, 47 tas dans la main. Si je dois passer par la haine. Du mal à croire que c'est plus dans le rap tous. Rap tous. Non. T'es pas légitime au bendo, je vais chez eux sans aucun stress. Coup de pelé dans leur deux portes, dans le milieu j'installe ma chaise. La coque est dure, la peine aussi, pas de restaurant pour te faire plaisir. Le temps c'est de l'argent charognard, j'l'aide pas un sens. A part de la yoka, je vois rien d'autre dans la pièce. Y'a rien à prendre, même pas une pièce, même en retournant leur feste. Si je monte pas chez leur mère, ils vont jurer sur la mec. Tous les tuer, le seul mot d'ordre qui t'aide à 7 sur un mec. J'te l'air pas que des gants de putain prétendent être de la tesse. Quatre hommes demandent pas de la tendresse pendant du sexe. Nos mères sont des sales mamans noires, se reproduisent comme des insectes. Continue à prêcher cher pour que ces fils de pute nous respectent. Je vais pas baisser les yeux avant de te monter sur la tête. Y'a que ceux qui ont pas de pistolet qui veulent faire des têtes à tête. On tient pas un terrain avec de la gentillesse. C'est pas en écrivant des nids de ta mère qu'en fit t'auras dit Ace. J'suis dans la dictature, j'demande pas de requête. J'pense à ouvrir un autre barbeur, tu parles d'acheter un compète. J'irai faire un tour à la pointe si t'as perdu nos plaquettes. Il y a un client, on respecte dans la coco market. J'ai mal à croire que c'est plus dans le rap tous. Rap tous. Calmez des cibles d'un gang dans leur bouche. Leur bouche. Non. C'est par le sang qu'on règne, 47 tas dans la main. Si je dois passer par la haine. J'ai mal à croire que c'est plus dans le rap.